trop ma voix, que tout ce que je possède, moi, te soit un don, un sacrifice, toi qui connais toutes mes pensées. Père, mère, oh Dieu, que je sois l'expression de ta sainte volonté. Je ne désire que te louer. Je ne désire que t'adorer. Car à mes yeux, il n'y donner totalement à toi, faire ta volonté. Yeah.